non plus. Désolée Adèle. On en a parlé une heure hier, donc moi c'est vrai, c'est vrai. Je note malgré cela quand même une suggestion qui m'a fait rire, celle de Greg que j'ai eu ce matin. C'est un tweetos qui m'a indiqué que le manuel de philosophie terminale ESS chez Hattie a changé sa vie en déchirant littéralement le fond de son sac à dos. Alors c'est vrai que ça marque et n'importe quel livre peut être suggéré. Je reviens pour ma part à un philosophe classique de chez Classique, mais pourtant très peu mentionné dans vos messages, c'est Rousseau. L'homme est né libre et partout il est dans les fers. Tel se croit le maître des autres, qui ne laisse pas d'être plus esclave qu'eux. Comment ce changement s'est-il fait? Je l'ignore. Qu'est-ce qui peut le rendre légitime? Je crois pouvoir résoudre cette question. Si je ne considérais que la force et l'effet qui en dérive, je dirais, tant qu'un peuple est contraint d'obéir et qu'il obéit, il fait bien. Sitôt qu'il peut secouer le joug et qu'il le secoue, il fait encore mieux. Car, recouvrant sa liberté par le même droit qui la lui a ravie, ou il est fondé à la reprendre, où l'on ne l'était point à la lui ôter. Alors, hasard des études ou passage obligé de n'importe quel parcours universitaire en philo, je dois dire que Rousseau a été mon compagnon presque quotidien depuis la terminale et ça continue. Et même avant la terminale, car j'ai eu droit à l'oral de français aux rêveries du promeneur solitaire. Après, pour le bac philo, j'ai potassé évidemment le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Puis, plus tard, j'ai côtoyé la lettre à d'Alembert, l'Émile, quelques-uns de ses textes sur la musique et même ses lettres écrites de la montagne. Mais comme vous l'avez entendu, le texte que j'ai dû lire et relire, c'est « Le contrat social ». Je me souviens de ce professeur de philo qui nous avait demandé de le lire en 2 jours. J'avais laissé tomber dès les premières lignes que vous avez entendues, tant elles me semblaient évidentes et impossibles à interroger et à déconstruire, tant elles me semblaient brillantes, nécessaires et vraies. Et je dois dire que presque chacune des phrases de Rousseau, en tout cas celle du contrat social, m'a fait le même effet. Je les ai toujours trouvées justes, puissantes et indépassables. Je vous ai délivré d'un cruel maléfice. Vous vous aimez encore malgré les envieux. Alors parmi ces phrases du contrat social, il n'y a pas qui m'ont marqué, que j'ai trouvé indépassable, il y a par exemple celle-ci. Trouver une forme d'association qui défend et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Tel est le problème fondamental dont le contrat social donne la solution. Alors ça n'est pas très sexy à lire, mais c'est vraiment très puissant, il faut le dire, et on ne pourrait pas vraiment faire mieux. Ou alors il y a cette phrase sur la volonté générale. Il y a souvent bien de la différence entre la volonté de tous et la volonté générale. Celle-ci ne regarde qu'à l'intérêt commun, l'autre regarde à l'intérêt privé. Mais ôter de ces mêmes volontés les plus et les moins qui s'entredétruisent, reste pour somme des différences, la volonté générale. Et alors il y a celle-ci, très actuelle, que j'adore, que je vous dis. Quand le nœud social commence à se relâcher et l'État à s'affaiblir, quand les intérêts particuliers commencent à se faire sentir, l'intérêt commun s'altère et trouve des opposants. L'unanimité ne règne plus dans les voix, la volonté générale n'est plus la volonté de tous, il s'élève des contradictions, des débats et le meilleur avis ne passe point sans dispute. Eh bien, monsieur, vous l'avez vu. Dites-moi donc enfin ce qu'il faut penser de cet étrange personnage. Non. Dire ce qu'il en faut penser n'est pas de ma compétence. Mais vous dire quant à moi ce que j'en pense, c'est ce que je ferai volontiers si cela vous suffit. Je ne vous en demande pas davantage. Voyons donc. Pour vous parler selon ma croyance, je vous dirai donc tout franchement que selon moi, ce n'est pas un homme vertueux. Ah, ah, vous voilà donc enfin pensant comme tout le monde. Pas tout à fait, peut-être. Car, toujours selon moi, c'est beaucoup moins encore un détestable scélérat. Mais enfin, qu'est-ce donc? Car vous êtes désolant avec vos éternelles énigmes. Il n'y a point là d'énigme que celle que vous y mettez vous-même. C'est un homme sans malice plutôt que bon. Une âme saine, mais faible, qui adore la vertu sans la pratiquer, qui aime ardemment le bien et qui n'en fait guère. Comme cet extrait de Rousseau, juge de Jean-Jacques, le suggère, comme d'ailleurs la réputation qui lui colle à la peau, si j'ai toujours trouvé Rousseau indépassable, je l'ai toujours trouvé suspect aussi. Et oui, comment critiquer un système qui semble absolu, inquestionnable, indépassable justement? Comment faire face philosophiquement à un tel monument d'intuition et de démonstration? Rousseau, au fil des années, m'a en fait permis d'affûter mes arguments et contre-arguments. J'ai adoré lire ses adversaires et j'ai tenté de trouver toutes les failles de son système parfait, trop parfait. Mais il reste pour moi, malgré tout, une grille de lecture de base, comme Descartes ou Kant le sont pour d'autres. Mais quel enthousiasme, Géraldine. J'ai jamais entendu un professeur faire preuve de tant d'enthousiasme pour parler du contrat social de Rousseau. Mais c'est un texte magnifique, il faut le lire et le relire. Mais c'est pas moi qui dirais l'inverse, ni vous, Yann Blanc, n'est-ce pas? Vous avez un point commun, Genève, voilà. La Suisse. Rousseau, citoyen de Genève. Voilà. Bravo, Yann. Et Yann Blanc, citoyen de Genève. Donc, on peut réécouter vos conseils de lecture? Oui. En ligne. Tocqueville, Sartre, Ricoeur. Rousseau. Et j'ai hâte de savoir qui sera choisi demain par vos soins. J'en sais, je ne sais pas. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'a aidé à préparer cette émission. Colomba Grossi, Elsa Le Saulnier, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui réalise cette semaine, Jean-Frédéric à la prise de son. On se retrouve demain. Demain pour notre dernier Profession Philosophe de l'année, on vous réserve une surprise. Demain, enfin non, c'est pas une surprise d'ailleurs, je l'annonce maintenant, demain on recevra pour ce dernier numéro de Profession Philosophe de la Grille, Bernard-Henri Lévy. D'ici là, pour écouter cette série d'émissions sur le soleil, c'est très simple, vous vous rendez en ligne sur le site de France Culture, à la page des Chemins de la Philosophie, vous pouvez réécouter chaque émission en ligne. Vous pouvez aussi les télécharger, les podcaster afin de les écouter tout l'été. Cette série sur le soleil, par exemple, vous accompagnera jusqu'à Noël, je n'en doute pas. Rendez-vous aussi sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, où nous attendons vos remarques et vos commentaires. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.